Lettre 13e, suite de la précédente, jeudi 12 avril. Mon cher monsieur, nous revâmes si tard, ou plutôt si matin, du rideau tôt, qu'il n'y eut plus moyen de vous écrire. Il est vrai que nous n'y allâmes qu'à 11 heures du soir. Cela vous effraiera, mais c'est l'heure reçue. Quel terrible renversement dans l'ordre de la nature. Ces gens-ci dorment en plein jour, éveillés au clair de la lune. La salle était magnifique. L'illumination et les décorations brillantes, une compagnie choisie et bien mise. J'aurais dû commencer par vous dire que je me laissais entraîner de nouveau dans une assemblée. Miss Mirvan dansa à menuet, mais je n'eus pas le courage de suivre son exemple. Nous fîmes un tour de promenade. Je vis de loin le Lord Orville, mais il ne nous aperçut point. Comme il n'était d'aucune partie, je pensais qu'il pourrait bien encore se mettre de la nôtre, et quelque peu d'envie que juste de danser, j'aurais mieux aimé que ce fût avec lui qu'avec un inconnu. Rien n'était plus ridicule que de supposer qu'il me ferait l'honneur de danser avec moi, après ce qui s'était passé entre nous. Mais j'étais assez folle pour m'y attendre. Vous allez en juger par ce qui suit. Miss Mirvan fut incessamment engagée. Un jeune homme d'une 30aine d'années, bien mis et de bonne mine, me fit l'honneur de me demander. Le cavalier que Marie avait choisi était un gentilhomme de la connaissance de Madame Mirvan. Elle nous avait dit qu'il ne convenait point qu'une demoiselle dansât avec un inconnu dans les assemblées publiques. Aussi n'était-ce pas là mon idée. Je ne voulus pas me priver tout à fait de la danse, et je n'osais pas refuser celui-ci pour accepter ensuite tel autre qui aurait pu se présenter. Ainsi, pour ne pas m'exposer à renouveler la scène du bal, je pris sur moi de dire à l'inconnu, je rougis de vous l'avouer, que j'étais déjà engagé, moyennant quoi, je crus me ménager une ressource et demeurer maîtresse de mes volontés. Ma conscience me trahit, car l'inconnu me regarda comme s'il n'ajoutait point de foi à ma réponse, et au lieu de s'en contenter et de me quitter, comme je l'espérais, il resta à côté de moi, et lia la conversation avec autant de familiarité que si nous avions été d'anciennes connaissances. Il m'importuna surtout par ses questions réitérées sur le cavalier auquel j'étais engagé, et finit par me dire « Je ne comprends pas qu'un homme, dont vous avez daigné accepter le bras, tarde tant à venir profiter de cette faveur. » Je me sentis très embarrassé, et je proposai à Madame Mirvan de nous asseoir. Elle eut la bonté d'y consentir. Le capitaine prit sa chaise à côté de la sienne, et l'inconnu ayant jugé à propos de nous suivre, se mit à ma droite. « Quelle insensibilité, madame » continua-t-il. Vous manquez la plus belle danse du monde. Cet homme doit avoir perdu la tête. Qu'en pensez-vous, vous-même ? Rien du tout, répondis-je avec un peu de confusion. Il me fit excuse de la liberté de sa remarque en ajoutant « Je ne reviens pas de mon étonnement. Peut-on être jusqu'à ce point ennemi de soi-même ? Mais où peut-il être, madame ? A-t-il quitté la salle ? Ou n'y a-t-il pas été du tout ?»« En vérité, repris-je avec humeur, je n'en sais rien. » « Je ne m'étonne plus, madame, de vous voir émue. Rien n'est plus choquant. Voilà la plus belle partie de la soirée perdue. Il ne mérite pas que vous l'attendiez. » « Je ne m'en mets pas en peine, monsieur, et je vous prie de ne pas. Cela est humiliant. Une dame qui attend son cavalier, fi donc. Le négligent. Qui peut le retenir ? Me permettez-vous de l'aller chercher ?»« Si vous voulez, monsieur, répondis-je fort à la hâte, car je tremblais que Madame Mirvan ne nous écoutât. Elle paraissait déjà très surprise de me voir en conversation avec un étranger. De tout mon cœur, quel habit porte-t-il ? Je n'ai pas fait attention. Foin de lui, il a osé se présenter devant vous dans un habit qui ne valait pas la peine d'être remarqué, le gredin. Je ne pus m'empêcher de rire, et je crains que cette imprudence ne l'ait encouragé à continuer. Charmante créature ! Pouvez-vous supporter avec tant de douceur un traitement aussi malhonnête ? Pouvez-vous, comme la patience personnifiée, sourire après un semblable affront. Quant à moi, quoique je ne sois point l'offensé, je suis tellement indigné que je voudrais le tenir pour lui faire faire quelques tours de salle, à bon coup de pied. À moins, cependant, ajouta-t-il, en hésitant et en me fixant avec attention, que ce cavalier ne soit un être de votre création. J'étais honteuse au-delà de toute expression et je ne pus rien répondre. Mais non, reprit-il avec chaleur, vous ne sauriez être si cruel. La douceur est peinte dans vos yeux. Pourriez-vous être assez barbare pour vous jouer ainsi de mon malheur ? Je fus choqué de cette sottise et je me détournai. Madame Mirvan s'aperçut de mon embarras et ne sut qu'en penser. La présence du capitaine m'empêcha de le lui expliquer. Je la priai de faire un tour de salle, elle s'y prêta et nous nous levâmes tous. Mais le croirez-vous, monsieur ? L'inconnu eut le front de se lever en même temps et marcha à côté de moi comme s'il avait été des nôtres. « Pour le coup, dit-il, j'espère que nous trouverons l'ingrat. Est-ce celui-là ? » Et il me montra un vieux boiteux. « Ou cet autre ?» Et de cette façon, il fit la revue de tous les personnages âgés ou difformes de la salle. Je ne lui répondis plus rien. Et lorsqu'il vit que je m'obstinais à garder le silence et que je doublais le pas sans prendre garde à lui, il frappa du pied en colère en s'écriant « Fou, imbécile, nigaud !» Je le fixai avec un mouvement de surprise. « Oh, madame, continua-t-il, pardonnez mon emportement, mais j'enrage de l'idée qu'il puisse y avoir un misérable qui fasse si peu de cas d'une félicité pour laquelle je donnerais ma vie. Oh, que ne puis-je le trouver, vous verriez !» Mais je m'emporte de nouveau. Pardonnez, madame, mes passions sont violentes, et je ne puis digérer l'affront qu'on vous fait. Je commençais à craindre que cet homme ne fût pas dans son bon sens, et je le considérais d'un air étonné. « Je vois, madame, que vous êtes émue. »« Oh, généreuse créature, mais ne vous alarmez point. »« Je redeviens calme. Je le suis déjà. »« Oui, sur mon âme, je le suis. Tranquillisez-vous. »« La plus aimable des mortels, je vous en supplie. »« Monsieur, lui répondis-je très sérieusement, je dois vous demander instamment de me laisser. » Je ne vous connais point, et je ne suis nullement accoutumé ni à vos propos ni à vos manières. » Ceci produisit quelque effet. Il me salua profondément, me fit ses excuses, et me protesta que pour tout au monde il ne m'offenserait point. « Si cela est, monsieur, je vous prie de me quitter. » « Je m'en vais, madame, je m'en vais. » Il prononça ces paroles d'un ton vraiment tragique, et aussitôt je le perdis de vue. Mais à peine avais-je eu le temps de me féliciter de son absence que je le vis reparaître. « Pouviez-vous réellement me laisser partir sans le moindre regret ? Pouvez-vous me voir souffrir des tourments inexprimables et conserver toutes vos bonnes grâces pour l'infidèle qui vous abandonne ? L'ingrat, le fat, je serais capable de le régaler d'une bastonnade. » « Au nom du ciel ! S'écria Madame Mirvan. « De qui, monsieur, parle-t-il ? Qu'est-ce donc que tout cela ? Interrompit le capitaine. L'inconnu lui fit une profonde révérence et lui dit : « Il ne s'agit, monsieur, que d'une petite difficulté. Cette jeune demoiselle me refuse l'honneur de danser avec moi et je tâche de la fléchir. Vous m'obligerez sensiblement, si vous voulez bien vous employer en ma faveur. » « Cette dame, répondit froidement le capitaine, est la maîtresse de faire ce qui lui plaît. » Et il s'en alla sur le champ. Alors mon persécuteur, se retournant poliment vers Madame Mirvan, lui dit : « Obtiendrai-je donc, madame, de vos bontés un mot d'intercession ?»« Monsieur, reprit-elle, je n'ai pas l'avantage de vous connaître. » »« Dès que je serai connue, madame, je me flatte que vous m'honorerez de votre suffrage. Mais il serait bien plus généreux de m'accorder votre protection avant que de me connaître. J'ose garantir que vous n'aurez pas lieu de la regretter. » Madame Mirvan lui répondit avec quelque embarras. « Je suis persuadé, monsieur, que vous êtes un parfaitement galant homme, mais... » « Et quoi, madame ? Vos doutes, une fois levés, pourquoi se met ? Eh bien, monsieur, reprit Madame Mirvan avec un sourire indulgent, je vais vous rendre franchise pour franchise. Voyons l'effet que cela produira. Sachez donc, une fois pour toutes, pardonnez, madame, interrompit-il avec impatience, et de grâce, quittez ce ton, une fois pour toutes. Je ne vois pas que ma trop grande franchise mérite un reproche. Si vous voulez m'imiter, mes chères dames, que ce soit, je vous prie pour m'excuser. » Nous étions surprises, l'une et l'autre, de l'étrange conduite de cet homme. « Soyez au-dessus de votre sexe, » continua-t-il en m'adressant la parole. « Une seule danse, je n'en demande pas davantage. Oubliez l'ingrat qui a tant abusé de votre patience. » Madame Mirvan, tout étonnée, me demanda : « De qui parle-t-il donc ? Vous ne m'avez pas dit ? » ?»« Oh, madame, » s'écria-t-il, « il n'en valait pas la peine. » C'est lui faire trop d'honneur. N'en parlons plus. Une seule danse, c'est l'unique faveur que je sollicite. Permettez que cette jeune dame me l'accorde. j'en serai reconnaissant toute ma vie. Monsieur, une faveur et un inconnu sont deux idées que j'ai de la peine à combiner. Si vous avez réservé jusqu'ici vos bontés pour vos seuls amis, faites aujourd'hui pour la première fois une exception en ma faveur. En vérité, monsieur, je ne sais que répondre, mais... Il opposa à ce mais tant d'instances pressantes qu'à la fin, Madame Mirvan me dit qu'il fallait me résoudre à danser avec lui, ou bien nous retirer pour éviter ses importunités. Je balançai entre cette alternative, mais cet homme impétueux fit tant que je me vis obligé de lui abandonner ma main. Ainsi, son obstination déterminée l'emporta, et je fus assez puni de m'être éloigné de la vérité. Avant que la danse s'engageât, il se montra toujours fort irrité contre mon cavalier, et il mit tout en usage pour me faire avouer que je l'avais trompé. Rien n'était plus clair, mais je ne voulais pas m'humilier au point d'en convenir. Le lord Orville ne dansa pas du tout. Il paraissait fort répandu et changeait à tout moment de coterie. Mais vous concevez que je ne fus pas trop à mon aise lorsque, quelques minutes après, je le vis s'avancer vers la place que je venais de quitter et accoster Madame Mirvan. Quelle fatalité, me disais-je, de n'avoir pas résisté plus longtemps aux importunités de cet inconnu. Je voulus le quitter au moment même où nous étions entrés en danse. Mais il me retint en me disant que ce serait lui faire un affront et que je ne pouvais pas rejoindre ma partie avant d'avoir fini nos tours. Comme j'étais peu au fait de tous ses usages, il fallut bien m'assujettir à sa direction. Il s'aperçut de mon embarras et m'en demanda la raison. Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi détourner toujours ses beaux yeux? Je voudrais, monsieur, que vous-même vous parlassiez moins. Vous m'avez déjà gâté toute cette soirée. Bon Dieu, qu'ai-je donc fait? Par où ai-je mérité ce mépris? Vous m'avez tourmenté. Vous m'avez contrainte d'abandonner mes amis et vous me forcez à danser malgré moi. Assurément, ma chère dame, nous devrions être meilleurs amis, puisqu'il y a tant de rapports dans la franchise de nos caractères. Si vous étiez moins aimable, croyez-vous que je pourrais supporter un tel affront? Si je vous ai offensé, vous n'avez qu'à me laisser. Je ne demande pas mieux. Eh, ma chère enfant, reprit-il en souriant, où avez-vous pris une pareille éducation? Il faut que vous soyez bien sûr de l'effet de vos charmes. Ce petit emportement ne sert qu'à embellir votre teint. Il se peut, monsieur, que vos airs hardis fassent fortune chez les personnes avec lesquelles vous êtes accoutumé de vivre, mais avec moi. Vous me rendez justice, madame. Je gagne en effet à être connu, et j'espère que vous serez contente de moi dans la suite. J'espère bien que ça n'arrivera jamais. Oh, s'il vous plaît. Avez-vous oublié dans quelle situation je vous ai trouvé? Négligé, abandonné, trahi comme vous étiez. Je vous ai suivi, adoré, et sans moi. Sans vous, monsieur, j'eusse été peut-être plus heureuse. Comment donc? Que dois-je penser de ce sans vous? Votre cavalier serait-il venu? Le pauvre garçon. Ma présence lui fait-elle peur? Je souhaite que la sienne puisse vous tenir en respect. Sa présence, vous le voyez donc? Peut-être, m'écriai-je, excédé de ses railleries. Où donc? Où? Montrez-moi. Je vous en supplie, ce misérable. Misérable, monsieur? Oui, ce sauvage, ce pied plat, ce poltron, ce mortel méprisable. Je ne sais où j'avais la tête, mais mon orgueil était blessé, et ma patience était à bout. En un mot, j'eus la folie de jeter un regard avec Mylord Orville, et je répétais « Mortel méprisable, dites-vous. » Il suivit mes yeux et me dit « Est-ce là ce beau monsieur ?» Je ne répondis rien. Je n'osais dire ni oui ni non, et j'espérais d'être délivré de mes tourments par cet équivoque. Dès que la danse fut finie, je voulus rejoindre Madame Mirvan. « Votre cavalier, je suppose ?» répondit-il gravement. Cette parole me confondit. Je tremblais que cet homme dangereux ne s'adressât au lord Orville sans le connaître, et ne lui tint quelques propos qui découvrit la ruse à laquelle j'avais eu recours, folle que j'étais de m'attirer de tels embarras. Je craignais actuellement ce que je souhaitais auparavant, et pour éviter le lord Orville, je n'eus d'autre parti à choisir que de proposer une seconde danse. Je mourrais de honte et de dépit. « Mais votre cavalier, madame, reprit-il avec affectation, ne trouvera-t-il pas mauvais que je vous retienne trop longtemps? Si vous le permettiez, j'irai lui demander son consentement. Gardez-vous-en. Qui est-il, madame? J'aurais voulu être à 100 lieues d'ici. » Il répéta sa question. « Comment l'appelez-vous ? » ? « Qu'importe. »« Son nom, disiez-vous. »« Je n'en sais rien. » Il prit un air de suffisance et me répliqua. « Quoi, madame, vous ne le savez pas ?»« Souffrez donc que je vous donne un petit conseil. C'est de ne jamais danser dans un endroit public avec un homme dont vous ignorez le nom. » Un inconnu souvent n'est qu'un aventurier, un homme sans aveu, et voyez à quels inconvénients cela peut vous exposer. Peut-on s'imaginer quelque chose de plus ridicule ? Je ne pus m'empêcher de rire malgré la confusion où j'étais. Dans cet instant, Madame Mirvan et Mylord Orville s'avancèrent vers nous. Vous ne doutez pas que je n'eus bientôt repris mon sérieux. Mais quelle fut ma consternation quand cet homme, destiné à être mon fléau, s'écria « Ah ! Mylord Orville, je n'avais pas l'honneur de vous connaître, mais que direz-vous de mon usurpation ? Vous m'avouerez cependant qu'une capture comme celle-là n'était pas à négliger. » Ma honte et ma confusion étaient inexprimables. Qui pouvait prévoir que cet homme connaissait le Lord Orville ? Hélas, le mensonge est aussi peu sûr qu'illicite. Mylord Orville paraissait stupéfait et avec raison. Tout le monde, continua ce misérable, n'a pas votre sang-froid, Mylord. J'ai eu de la peine à me mettre bien dans l'esprit de cette dame et je n'ose pas trop me flatter d'avoir réussi. Vous seriez fier, Mylord, si vous saviez avec quelle difficulté j'ai obtenu l'honneur d'une seule danse. Je perdis toute contenance. Mylord Orville demeura immobile. Madame Mirvan me regarda avec surprise. Mon persécuteur, s'étant tourné vers moi, s'empara de ma main et en la présentant au Lord, il lui dit « Jugez, avec quel regret je vous cède cette belle main. » Je rougis jusqu'au blanc des yeux. Je voulus retirer ma main. Orville la baisa respectueusement et répondit « Vous me faites trop d'honneur, monsieur. » Et s'adressant à Madame Mirvan, « Je me féliciterai d'en profiter si Madame permet que je cherche quelqu'un pour faire sa partie. » Je ne pus supporter l'idée de le contraindre à danser malgré lui et je m'écris avec impatience. « Non, absolument pas, je vous supplie. » « Ordonnez-vous, me dit l'odieux individu, que je me charge du soin de trouver la partie de madame. »« Non, monsieur, lui répondis-je en lui tournant le dos. »« De quoi est-il question, ma chère ? » demanda madame Mirvan. « De rien, madame, de rien du tout. »« Mais danserez-vous ou non ? Vous voyez que Mylord vous attend. »« J'espère que non, je vous prie. »« Je ne saurais pour tout au monde, je suis sûr que... » J'avais perdu la parole. Et s'est effronté, résolu d'approfondir si je l'avais trompé ou non, s'adressa de nouveau au Lord Orville, qui ne savait quel parti prendre. « Mylord, lui dit-il, je m'en vais vous expliquer en deux mots cette affaire qui paraît actuellement un peu embrouillée. Cette dame m'a proposé une seconde danse. Rien ne pouvait m'être plus agréable. Mon intention était seulement de vous demander votre consentement. Si vous me le donnez, nous serons tous d'accord. » J'étais indigné. « Non, monsieur, lui dis-je, il n'y a que votre absence qui puisse nous mettre d'accord. »« Au nom du ciel !» interrompit Madame Mirvan, qui ne put retenir plus longtemps sa surprise. « Que veut dire tout ceci ? Étiez-vous déjà engagé à Mylord Orville, a-t-il ? » ? « Non, madame, m'écriai-je, je ne connaissais pas monsieur, et voilà pourquoi je voulais, je cherchais, je... » Accablé de tout ce qui venait de se passer, je n'eus pas le courage d'achever cette humiliante explication. Les forces me manquèrent, et je ne pus plus retenir mes larmes. Ils se regardaient tous avec étonnement. « Qu'avez-vous, ma chère enfant ? » me dit Madame Mirvan avec le plus tendre intérêt. « Qu'ai-je fait ? » s'écria le mauvais génie qui était la cause de tout ce désordre, et il s'enfuit promptement pour chercher un verre d'eau. J'en avais dit assez pour faire deviner au Lord tout le reste de ce mystère. Il approcha un siège et me dit d'une voix basse, « Ne soyez pas inquiète, je vous supplie. Vous ferez toujours honneur à mon oncle, quand vous voudrez bien vous en servir. » Cette politesse me soulagea un peu. Un murmure général avait alarmé Miss Mirvan, qui vint me trouver aussitôt. Elle me fit prendre un verre d'eau que mon bourreau venait d'apporter, après quoi Mylord Orville le pria de se retirer. « Au nom du ciel, madame, m'écriai-je, laissez-moi m'en aller, je n'y puis tenir davantage. » « Nous nous en irons tous, répondit ma bonne Marie. Mais que dira le capitaine ? J'aurais mieux aimé partir seul en chaise à porteur. » Madame Mirvan y consentit et je me levai pour sortir. Mylord Orville et l'inconnu m'accompagnèrent. Le premier me présenta la main avec une complaisance que j'avais peu méritée. L'autre me suivit pour m'importuner de ses excuses. J'aurais voulu faire les miennes au Lord, mais je n'en eus pas le courage. J'arrivai au logis vers 1 heure. Les domestiques de Madame Mirban me virent entrer. Après cela, serais-je encore tenté de retourner aux assemblées? Que penserez-vous de moi, mon très cher et très honoré monsieur? Vous aurez besoin de toute votre partialité pour me recevoir à mon retour avec indulgence. Mylord Orville a fait demander ce matin de nos nouvelles. Et Sir Clement Willoughby, c'est le nom de mon persécuteur, a passé ici lui-même. J'ai refusé de descendre tant qu'il y a été. Je sais maintenant à quoi m'en tenir sur la conduite choquante et ridicule de ce Willoughby. J'ai appris par Miss Mirvan que c'est le même homme qui a parlé de moi avec si peu de ménagement au bal de Madame Stanley. Il eut plu alors de dire au Lord Orville qu'il était bien aise de savoir que j'étais une petite sotte. Il se crut donc autorisé à donner libre carrière à son impertinence. Quoi qu'il en soit, je me soucie fort peu de ce qu'il pense de moi. Mais Mylord Orville, s'il m'a pris d'abord pour une imbécile, il doit m'accuser à présent de témérité et de présomption. Me servir de son nom, quelle hardiesse! Encore, s'il savait ce qui a donné lieu, il doit s'imaginer que c'était par un excès de vanité. Je suis déterminé à quitter cette méchante ville d'Edmain, et jamais je n'y remettrai les pieds. Le capitaine se propose de nous faire boire ce soir les fantoccini. Je ne puis pas souffrir ce capitaine. Vous ne sauriez vous faire une idée de sa grossièreté. Je suis heureuse qu'il n'ait pas assisté au dénouement de la fâcheuse aventure d'hier. Il n'aurait fait qu'augmenter mon trouble. Peut-être s'en serait-il diverti, car il ne rit jamais qu'aux dépens d'autrui. Voici la dernière lettre que je vous écris de Londres. J'en suis très aise, car je connais trop peu le monde pour me gouverner convenablement dans une grande ville où tout est neuf pour moi, où je rencontre à chaque pas les choses les plus bizarres. Adieu, mon cher monsieur. Que le ciel me ramène en sûreté chez vous. Que ne puis-je retourner, dans cet instant même, à Berry Hill? Mais cet empressement déplairait à Madame Mirvan. Ainsi, je dois me taire. Je vous parlerai des fantoccini lorsque nous serons arrivés à Howard Grove. Nous n'avons pas vu la moitié des endroits publics que l'on court actuellement. Ils sont en grand nombre et on les trouve tous remplis.